L'expiation de Savelli d'Henri Gréville. Chapitre 1er. La maison seigneuriale de Daniel Lukitch Bagrianov, construite en bois sur un haut soubassement en briques, trônait au milieu d'une cour bordée à droite par une rangée d'écuries et de remises, à gauche par les communs et la boulangerie. Une pelouse ovale, devant le perron, séparait en deux bras, comme une île dans le fleuve, la large route plantée d'arbres qui venait en ligne droite de la station de poste la plus voisine, distante environ de 18 verstes. Ce chemin, fait exprès pour les seigneurs, était bordé par de gigantesques bouleaux jusqu'à la porte d'entrée, porte peu somptueuse à la vérité. Pas d'enceinte de ce côté, un simple fossé suffisait pour défendre la demeure seigneuriale contre les loups. Pour les hommes, il n'en était pas même question. Quel audacieux eût pu rêver de franchir cette terrible enceinte, plus redoutable que les haies d'épines vivantes qui protègent les châteaux enchantés. Daniel Bagrianov avait des chiens, mais ces chiens, nourris de viande crue et lâchés tous les soirs, étaient moins redoutables que le regard froid et pesant des yeux bleus clairs du Seigneur. Jamais personne n'avait vu Bagrianov en colère. On eût dit que, tout enfant même, il avait ignoré les révoltes soudaines et les mouvements involontaires d'une irritation secrète. Son visage exsangue, ses sourcils blanchis de bonheur comme sa barbe abondante et soignée, lui donnaient l'apparence d'un grand calme. Seuls ses yeux d'acier et sa bouche aux lèvres minces révélaient l'impitoyable ténacité, la férocité froide de cet homme. Pas plus qu'on ne l'avait vu en colère, de mémoire d'homme, on ne l'avait vu pardonner une offense, volontaire ou non. On se raconte à l'oreille une histoire qui en disait long sur son caractère. Un jour, au temps de sa jeunesse, Bagrianov, tourné en ridicule sous l'éventail par une jolie femme, s'en était pris non au mari, mais à celui qui passait à tort ou à raison pour être au mieux avec la dame. Après l'avoir insulté devant une assemblée choisie, il l'avait promptement dépêché à l'épée. Quelques jours plus tard, il dit au mari « Vous me devez une récompense, mon cher. » « Car j'ai fait votre besogne, j'ai tué l'amant de votre femme. » Le mari furieux se jeta sur lui, on les sépara, et le lendemain, la dame était veuve. Cette manière d'entendre sa défense personnelle donnait froid dans le dos aux plus braves. Aussi, après l'avoir vu agir de la sorte en quelques circonstances, la noblesse du district avait pris le parti de faire la morte. Pendant des années, on avait évité les réunions brillantes, les assemblées où se rencontre la fleur du pays. Puis Bagrianov s'était en quelque sorte écarté de lui-même. « Je ne vais nulle part, déclara-t-il un jour, je me trouve bien chez moi. » L'âge venu, Bagrianov se maria. Il épousa la fille unique d'un veuf, son voisin, dont les biens touchaient à ses terres. C'était prévu, et cependant la nouvelle en fit pousser un grand soupir d'aise à 30 verstes alentour, car on n'avait plus à craindre une demande de la part du terrible personnage. La jeune mariée Alexandra Rodionovna, élevée en liberté dans la maison de son père, apprit bientôt à modérer les éclats de sa gaieté enfantine. Elle cessa de rire, puis de parler, puis elle apprit à pleurer, le tout en 15 jours, et quand son vieux père à moitié imbécile vint la voir dans sa nouvelle demeure, il eut peine à reconnaître sa petite Sacha dans cette femme aux yeux baissés, à la démarche monacale, à la voix éteinte, qui ne parlait que pour répondre et encore en tremblant. Bagrianov n'appelait cependant sa femme que « ma chère épouse, mon âme, ma chérie », mais tandis qu'il lui prodiguait ses noms de tendresse, le regard glacial et sardonique de ses yeux clairs suivait les mouvements de la malheureuse. Si faible que fût la lueur d'intelligence qui lui était restée, le père de la jeune femme comprit qu'elle devait être le lot de sa fille en ce monde. Au bout de quelques semaines, le chagrin l'avait tué. 20 ans s'étaient écoulés depuis, et la destinée de Madame Bagrianov n'avait pas changé. Elle avait mis au monde et nourri 10 enfants, qui tous étaient morts en bas âge. L'11e enfant était une petite fille frêle et mignonne, que la mère ne put nourrir, son lait ayant disparu tout à coup, par suite d'une frayeur que lui avait causée son seigneur et maître. Cela sauva l'enfant, qui, nourri par une paysanne, grandit à souhait, et sa grâce d'oiseau craintif se développa doucement sous les yeux de sa mère qui l'idolâtrait. Depuis de longues années, Bagrianov avait coutume de recruter son sérail dans les rangs des jolies filles de son village le plus rapproché. Il les faisait venir chez lui suivant sa fantaisie, les y gardait un jour, deux parfois, les faisait manger à la cuisine et les renvoyait avec un présent, le plus souvent un mouchoir de coton bariolé, de ceux que les femmes portent sur la tête, et dont il avait une provision dans une armoire de son cabinet. Au village, on avait depuis longtemps cessé de le maudire. À quoi bon, en effet, charger d'imprécations la pierre du sépulcre qui vous sépare à jamais des vivants? Bagrianov était sourd et muet comme cette pierre. De temps en temps, obéissant à une coutume immémoriale, les paysans venaient le supplier de leur remettre l'impôt, d'attendre à la saison nouvelle, ou d'épargner quelqu'un des leurs à l'époque du recrutement. Peine perdue. Son méchant sourire, sa raillerie contenue, ses façons de grand seigneur qui ne l'abandonnaient jamais, tout cela faisait plus lourdement retomber sur eux la pierre un instant soulevée par une vague espérance. Aussi les paysans de Bagrianov n'étaient-ils plus des hommes. Le village ne connaissait plus les lois de l'hospitalité. Malheur aux passants de race noble ou seulement vêtus à l'occidental, qui s'étant égaré dans sa promenade demandait son chemin. Malheur à celui qui, dans les chaleurs de l'été, implorait un verre d'eau pour étancher sa soif. Il se voyait repoussé par les femmes, chassé à coups de pierre par les enfants, poursuivi par des chiens hargneux. Tout homme de race seigneuriale était un ennemi. Les cabanes nues, le sol aride, les puits desséchés où l'on ne faisait pas revenir la source tarie, de peur qu'il n'en fallût porter l'eau fraîche à la demeure seigneuriale, l'abandon des granges communales, la maigreur des chevaux et des vaches, tout parlait éloquemment de la tyrannie du maître, tandis que dans les villages environnants de grandes prairies, des blés magnifiques, des troupeaux abondants évoquaient des idées de richesse et de prospérité. Les paysannes, vêtues de jupes éclatantes et de chemises bariolées, rencontraient à leur puits les filles hâves et déguenillées de Bagrianovka. « Pourquoi ne vis-tu pas comme nous ? » disait-elle à la femme émaciée par la misère, qui portait ses deux seaux d'eau pendant une demi-heure sous le soleil ardent pour retourner à son village. « Le Seigneur nous prend tout !» murmurait celle-ci, en regardant derrière elle avec frayeur. Plus tard, elles cessèrent de répondre. Leurs yeux farouches jetaient un regard de haine aux heureux qui avaient tout en abondance. « Ils vivent comme des loups, ils se dévorent entre eux, » se dit-on dans les villages environnants, « et l'on ne songe même plus à les plaindre. »